Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est classique avec les arts tirés au cordeau. Le classicisme est en peinture avec le triomphe de Neptune de Nicolas Poussin. Il est en sculpture avec Louis XIV à cheval de Girardon. Il est en architecture aussi, bien sûr, avec la colonnade du Louvre de Claude Perrault. On le retrouve en musique, Lully, Charpentier, Jacquet de la Guerre. Et au théâtre, évidemment, Racine, Corneille. Et pourquoi pas Molière? Mais la prononciation du XVIIe siècle nous échappe peut-être un peu. Ah, elle est différente de la nôtre. Oui, comment parlait le bourgeois gentilhomme? Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, vous n'avez pas ici un repas fort savant. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition, et il ne manquerait pas de vous parler. Bonjour, Georges Forestier. Bonjour. On vient d'entendre, par Benjamin Lazare, un metteur en scène, spécialiste du théâtre baroque, une restitution du bourgeois gentilhomme avec cette prononciation. Peut-on voir aujourd'hui les pièces de Molière, par exemple, comme les hommes, les femmes du XVIIe siècle les voyaient? Rarement. L'expérience de Benjamin Lazare avec le bourgeois gentilhomme était exceptionnelle dans les années, au début des années 2000. Il se trouve que la question, vous me la posez 3 jours trop tard, parce qu'en fait, j'ai créé à la Sorbonne un groupe qui s'appelle le Théâtre Molière-Sorbonne, qui est à la fois une école pour apprendre la déclamation, la gestuelle, le déplacement, la fabrication des costumes, etc. de l'époque. Et on vient de monter, depuis 6 mois, le malade imaginaire avec les intermèdes, danser, chanter, et la prononciation, évidemment, de cette époque-là. Parce que pour bien comprendre le sens, il faut savoir que dans la vie courante, à part à la cour où on roulait les airs, dans la vie courante, on ne prononçait pas, par exemple, les consonnes finales, comme on l'entend là, etc. Ça, c'était resté au théâtre, ou au barreau, ou à l'église, ou quand on faisait les sermons, quand on déclamait dans une cause au barreau, donc les avocats généraux, eh bien, avait cette prononciation rhétorique qui avait une puissance d'élocution plus forte. Et on retrouve exactement la même chose au théâtre jusqu'à la fin du 18e. Ça s'est délité petit à petit au cours du 18e et au 19e. Du coup, c'est devenu sclérosé, d'où la révolution qui a été apportée à la fin du 19e et au 20e siècle après, qui a tourné le dos à ça. Mais il faut savoir, c'est ça, le théâtre était conçu comme un art artificiel, mais de l'artificier qui donnait l'illusion du naturel. Ça, c'est une des caractéristiques, justement, de paradoxe classique dont je pense que... Nous allons en parler. C'est passionnant ce que vous nous dites, Georges Forestier. Il existait plusieurs manières de parler selon le lieu où l'on se trouvait. Tout à fait. Ce monde du théâtre, donc, pouvait prononcer l'intégralité des lettres. C'est-à-dire qu'un S final, par exemple celui du pluriel qui est muet aujourd'hui, on l'entendait. Mais oui, puisque par exemple, c'est pour ça que Racine peut faire rumer « tous avec vous ». Parce que, en fin de vers, tous, bien sûr, mais vous se prononcez vous. Fils avec ennemis, etc., etc. Donc, la rime pour l'œil est une invention du 19e siècle. Jusqu'au 18e siècle, on ne parlait que de rime pour l'oreille. Parce qu'en fait, j'insiste là-dessus. Et quand vous regardez des manuels du 17e, du 18e siècle, des traités de rime, justement, des traités de versification, vous avez systématiquement cette insistance là-dessus. Il y avait des règles parties. De même que on parle toujours, l'alexandrin est un vers de 12 syllabes. Eh bien, quand vous lisez l'art poétique de Ronsard ou au 16e siècle ou un siècle plus tard, vous avez alexandrin, vers de 12 ou de 13 syllabes, selon que la rime est masculine ou féminine. Ça veut dire que quand elle est féminine, qu'elle se termine par un E, eh bien, on prononçait... On allongeait, c'était pas une 13e très fortement accentuée, mais on allongeait d'une demi-syllabe le vers. De même, décasyllabe, vers de 10 ou de 11 syllabes, selon que la rime est masculine ou féminine. Donc tout ça, c'est des éléments que on sait bien que ça organisait, ça structurait donc la manière dont on déclamait les textes au théâtre, et du coup, ça structure la manière dont les auteurs pensent la création de leurs textes. Et Molière en premier lieu, bien sûr, autant que Corneille et que Racine. Et puis il y a la manière de prononcer ces mots et la manière de mettre en scène, Georges Forestier, au moment de réfléchir à comment pouvait être une pièce. Alors là, on avait évoqué Le bourgeois gentilhomme avec Benjamin Lazare, mais il y en a tant d'autres et celles sur lesquelles vous travaillez. C'est tout à remettre en question, la manière de se déplacer, les mouvements. Tout à fait, tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on joue, on prononce comme on parle. les textes, alors même qu'ils sont en vers, etc. On s'efforce de gommer la dimension de vers, on enchaîne la fin de vers avec le vers suivant, etc. À cette époque-là, c'était Corneille, lorsqu'il définit son théâtre, il ne parle pas de théâtre, il ne parle jamais de théâtre, il parle de poésie dramatique. Et ça, c'est très important, parce que l'attention sur la dimension formelle du vers, elle était fondamentale pour les... Et ça n'empêchait pas qu'ils avaient l'impression d'être devant un artefact qui donnait l'illusion du réel. D'où cette grosse construction classique autour des règles, parce que l'idée, c'est comment donner l'illusion du réel. Est-ce ça le classicisme des règles ? Alors, le classicisme, c'est en partie quelque chose qui sur des règles. Mais c'est aussi lié à des malentendus, parce que le classicisme, quand il apparaît, en fait, il apparaît à la Renaissance. À l'origine, classicisme, ça signifie quoi ? Ce qui est étudié dans les classes. Qu'est-ce qu'on étudie dans les classes ? À la Renaissance, et puis on vient de redécouvrir le patrimoine grec et latin. On étudie donc les auteurs d'abord latins, et on connaît un peu moins le grec, c'était plus spécialisé dans certains collèges de l'université, mais on étudie aussi les auteurs grecs. Et donc, on se dit, mais on les étudie dans les classes, pour faire des chefs-d'œuvre comme les chefs-d'œuvre de l'Antiquité, il faut les imiter. Et ça, c'est les Italiens qui inventent ça dès le XIVe siècle. Et les Français, à partir du XVIe siècle, se mettent à faire pareil. Et quel est le maître à penser de la création artistique en littérature, donc en théâtre, de l'Antiquité ? C'est Aristote. Aristote, il a couvert tout le champ du savoir, hein. Mais notamment, il a écrit une rhétorique où il apprend comment il faut organiser le discours, etc. Et dans le prolongement de la rhétorique, qui est un art de persuader, il a écrit une poétique, qui est l'art de persuader le public que ce qu'il voit est vrai pour provoquer du plaisir. Parce qu'il explique exactement que le but de l'art, c'est de provoquer du plaisir. Et le but de la tragédie, par exemple, c'est de provoquer un plaisir paradoxal, puisqu'il s'agit de faire avoir peur et pleurer, la frayeur et la pitié, c'est la fameuse notion. Et c'est dans la frayeur et la pitié qu'on a du plaisir. C'est quand on pleure devant le malheur des personnages qui sont devant nous qu'on éprouve du plaisir. Je cite toujours l'exemple de si Titanic a été un si grand succès, c'est parce que les gens se retournaient 20 fois pour voir mourir Jack. Cette fin. Et parce qu'on a du plaisir à voir ce qui, dans la réalité, nous donne de la souffrance, bien sûr, puisque la mort d'un proche ou de quelqu'un qu'on aime donne de la souffrance. Au théâtre, c'est transfiguré et ça donne du plaisir. Et ça, Aristote l'a théorisé, il a théorisé la tragédie. Et notamment au fil d'un détour d'une phrase, en opposant l'épopée qui se déroule sur une année, puisque l'Iliade et l'Odyssée, l'Iliade c'est quelques mois et l'Odyssée c'est un an, même si avec les récits rétrospectifs on a tous les 10 ans du parcours d'Ulysse, eh bien il dit autant l'Iliade, enfin l'épopée c'est environ un an, la tragédie elle se déroule entre le lever et le coucher du soleil. Ah, il avait dit ça, mais c'est un constat. Et à la Renaissance, où on s'est dit « il faut imiter les anciens pour faire des chefs-d'œuvre comme eux », eh bien, on a pris pour argent comptant le fait qu'il ait dit « ça se déroule entre le lever et le coucher du soleil ». Et on a donc inventé à ce moment-là la fameuse règle des 24 heures. Dans la mesure où la plupart, effectivement, des comédies de Terence, la plupart des tragédies de Sophocle et de Répite se déroulent en quelques heures, entre le lever et le coucher du soleil, eh bien, il faut faire pareil. Et ça, c'est devenu une règle. Mais une règle, comment dirais-je, ça a été normé au début. Il faut faire pareil. Donc, au XVIe siècle, les premières tragédies, les premières comédies se déroulent en 24 heures. Et puis après, on s'est dit, mais quand même, à la fin du XVIe siècle, ce modèle-là a commencé à exploser. Il y a de plus en plus d'écrivains qui se sont mis à faire du théâtre. Et faire du théâtre, pour eux, au début, ça a été transposer des romans au théâtre. Mais un roman, ça rentre pas dans 24 heures, parce que ça raconte des aventures en divers lieux, en divers temps, etc. Et donc, il a fallu, comment dire, soit on a inventé un nouveau genre qui s'est appelé la tragicomédie. Par exemple, le Cid de Corneille est une tragicomédie à l'origine, hein. Parce que le modèle de Corneille, ça se passe en plusieurs jours, plusieurs mois. Corneille est concentré en quelques heures, mais à l'origine, c'est une tragicomédie qui raconte les aventures d'un héros. Et alors, à ce moment-là, soit on a écrit des tragicomédies, soit, tout d'un coup, il y a un ou deux théoriciens qui a dit, mais si on veut vraiment être à la hauteur des Italiens et leur ravir le magistère de la poésie en Europe, eh bien, il faut faire comme eux. Or, eux, ils obéissent à la règle des 24 heures. Mais les autres ont dit, mais il ne faut pas obéir aveuglément, c'est du suivisme. Et là, on s'est mis à justifier, en théorie, la fameuse règle des 24 heures. Et la théorie, c'est quoi ? C'est très amusant à comprendre. Dans la mesure où le spectateur, il est présent durant 3 heures, 2 heures, 3 heures, dans une salle de spectacle. Si on lui raconte devant lui une histoire qui se déroule en plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, il va se dire « Ah, c'est passionnant et tout, il vibre et tout, etc. » Mais en même temps, au fond de lui, il y a quelque chose qui lui dit « Ah, mais je suis pas transporté dans l'histoire. Je suis pas le témoin de quelque chose, je suis le spectateur d'une histoire qu'un auteur a fabriquée pour moi. » Or, l'idéal pour provoquer le maximum de plaisir, c'est de nous transporter dans l'histoire. Et pour ça, moi qui suis présent pendant 2 heures dans la salle de théâtre, eh bien, il faut qu'on me raconte une histoire qui se déroule elle-même en 2 heures. Alors, mais comment trouver des sujets qui se déroulent en 2-3 heures? C'est exceptionnel. Et donc, ils ont dit, mais à 24 heures, ça devrait marcher. Et dans ce cas-là, comme il y a des entr'actes dans une pièce de théâtre, en 5 actes, et qu'au XVIIe siècle, les entr'actes sont de vrais entr'actes, c'est-à-dire qu'on s'interrompt, souvent on mouche les chandelles, parce que c'était pas des bougies, sauf à la cour, bien sûr, c'était des chandelles qui, au bout d'une demi-heure, commençaient à faire du noir, etc. On mouche les... Pendant ce temps, les ouvreuses circulent dans la salle en vendant des confitures et des limonades, et les confitures, non pas au sens où ça coule dans les doigts, mais c'était des fruits confits, bien sûr, et des limonades, etc. Et donc, on a un retour sur soi pendant 5 minutes, il y a des violons qui jouent pendant ce temps-là, hein, systématiquement. Toute pièce de théâtre était entrecoupée à chaque acte, pendant l'entracte, par des violons qui jouaient des airs à la mode. Et puis quand on revient, quand les personnages reviennent, on est retransporté. Donc le tout, c'est que ça ne se passe pas en plus de 24 heures. Parce que si ça se passe pendant plus de 24 heures, on va dire, mais moi je suis resté pendant 2 heures, je ne suis pas allé me coucher pendant ce temps-là. Eux, ils auraient dû aller se coucher. Donc l'idée, c'est faire en sorte que les événements paraissent se raconter d'eux-mêmes, qu'il n'y ait pas d'auteur, qu'on ne voit pas la trace de l'auteur. D'où le fait que Corneille a été attaqué au moment du Cid. Parce que comment pouvoir accepter cette histoire dans laquelle une fille épouse le meurtrier de son père, et avec l'aval du roi, etc., etc. C'est invraisemblable, ça. Or, tout doit être absolument vraisemblable, parce que si je me dis, moi, spectateur dans la salle, en train de... Mais c'est invraisemblable, ça. Eh bien, je suis ramené à ma condition de spectateur. Alors que le but de l'art, c'est de me transporter en tant que témoin. Cette idée d'un art qui donne l'illusion absolue du vrai, elle est régulièrement synthétisée par ceux qui, en peinture, font la théorie de l'art classique en peinture, avec cette fameuse fresque, je ne sais plus si c'est Apelle ou tel autre peintre mythique de l'Antiquité, qui avait peint donc une fresque avec une vigne et une grappe. Et cette grappe faisait tellement illusion qu'un oiseau s'est posé sur le mur et a essayé de butiner la grappe. C'est ça. Il faut être pris totalement par l'illusion du vrai. Donc, pour être pris par l'illusion du vrai, il faut effacer toutes les traces de la production. Et c'est comme ça qu'on a justifié les règles. Et c'est comme ça qu'elles se sont finalement imposées complètement à tous. Même à ceux qui disaient au début, mais moi je veux raconter des histoires qui se passent pendant plusieurs mois. Et ceux-là, ils ont fini par abandonner. La tragicomédie, elle a été vaincue par la tragédie régulière à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un aspect du classicisme tel qu'il s'est développé en France au théâtre dans la première moitié du XVIIe siècle. Et après, c'est devenu évident. Je veux dire, Molière ne se pose même pas la question. Une comédie, ça se passe de même que chez les Italiens, le jeune homme rencontre la jeune fille au balcon le matin et il l'épouse le soir. Donc ça fait partie de la règle, je veux dire. Et ça fait partie du vraisemblable aussi. Parce que le vraisemblable, c'est s'interroger sur quelque chose qu'on se dit, à mon expérience, me dit que c'est juste, que c'est vrai, que c'est possible ou pas. Quand on regarde un western, quand on est habitué à des westerns, la vraisemblance du western, c'est le fait que le héros, quand il tire, il tue son adversaire ou il le désarme d'un seul coup de pistolet, mais lui, il n'est jamais blessé, jamais tué, etc. Ça paraît invraisemblable, ça fait partie, à partir du moment où on sait que c'est comme ça que ça se passe, c'est une vraisemblance propre au western. Et donc, on l'accepte et on n'est pas gêné, on ne se dit pas « Ah, mais c'est invraisemblable, ça ». Même si ça l'est, ça l'est pas, puisqu'on est dans le système. Et pour le théâtre, c'est devenu la même chose. Et c'est comme ça que les règles classiques sont rentrées dans la fabrication même de toute pièce de théâtre au XVIIe siècle et au XVIIIe, puisque le XVIIIe a continué en imitant le théâtre du XVIIe siècle. Le classicisme, c'est ce qui est né dans les classes. Rien que d'apprendre ça pour les auditeurs et les auditrices et moi-même, c'est un plaisir. Ah oui, le classicisme, c'est ce qu'on apprend dans les classes. Et dans les classes de collège, de lycée, on les a appris, ces 3 unités, unité de lieu, unité de temps, unité d'action, évoquées par le grand metteur en scène, acteur Charles Dullin. Il me paraît naturel d'en revenir à Corneille, ce grand maître-queue de la tragédie, quand il est question de la règle fameuse des 3 unités. Et si nous le relisons, nous sommes d'abord frappés par ce fait qu'il ne les faut pas prendre au pied de la lettre. Je tiens que l'unité d'action consiste en l'unité de péril dans la tragédie, soit que son héros y succombe, soit qu'il en sorte. Et plus loin, nous dit-il de même, concernant la seconde unité, celle de temps qu'il désigne par le terme unité de jour, il est des cas où elle doit forcément être étendue, sous peine d'étriquer l'action. Enfin, il nous avoue, à propos de l'unité de lieu, qu'il est des sujets qui ne peuvent, malgré toutes les concessions possibles, s'en accommoder. Une vieille archive, 1941, Charles Dullin est alors directeur du théâtre de la Cité, le théâtre Sarah Bernhardt, qui pendant l'occupation 1941 a changé de nom. Et Charles Dullin nous dit que ces règles sont en réalité souples. Parce que on les applique, bien sûr, quand on les apprend, on imagine, alors, 24 heures, un seul lieu, une seule action. En fait, Georges Forestier, il y a de la souplesse quand même. Il y a de la souplesse du temps de Corneille. Précisément. Et c'est pour ça que Corneille, il justifie son théâtre en écrivant des examens et des discours sur le poème dramatique, comme il les appelle, que Charles Dullin vient de citer une partie. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il raisonne par rapport à la nécessité de prendre des histoires et de les adapter au théâtre. C'est-à-dire, il raisonne de manière inverse par rapport aux théoriciens qui disent « il faut plier l'histoire » à la règle de la vraisemblance absolue dans tous les domaines. Et c'est pour ça que Corneille lui dit, bah, écoutez, le temps, pour moi, et le lieu, il dit le temps, eh ben, il est un peu extensible, ça peut durer un peu plus de 24 heures. Le tout, c'est que le spectateur ne se pose pas trop de questions. Le lieu, certes, le lieu, il découle pour lui du temps, alors que pour les théoriciens, le lieu, c'est exactement le même système. Vous êtes spectateur, vous êtes dans un lieu unique. Comment accepter que les personnages qui sont devant vous vont changer de lieu alors que vous, vous ne changez pas de lieu et que vous êtes censé être témoin de ce qui se passe ? D'où l'unité de lieu. Alors, c'est dommage parce que des fois, l'unité de lieu, ça implique qu'il n'y a pas de changement de décor. Mais les théoriciens ont la réponse à ça. Ils disent, par exemple, si vous voulez de beaux changements de décor, mais vous imaginez qu'il y a une grande bataille qui a fait que le château devant lequel tout se passe a brûlé et donc vous êtes obligé de mettre un décor de ruine derrière. On est toujours dans le même lieu, mais c'est le même espace, mais c'est plus le même décor et c'est plus la même action, etc. Et Corneille dit pour l'unité de lieu, moi, le lieu unique, bon, je pense qu'on peut l'élargir à l'espace d'une ville. Mais si on l'élargit à l'espace d'une ville, ça veut dire que les personnages vont se déplacer dans des décors différents. Et ça, la théorie le refuse. Parce que si les personnages se déplacent dans des décors différents, si on voit les changements de décors, on se dit « je suis au théâtre ». C'est merveilleux, etc. Mais je suis au théâtre. Et Corneille, lui, dit « moi, je préfère une unité de lieu qui s'étend à l'espace d'une ville, quatre coins d'une ville, ou d'une petite île, dit-il ». Tout ce qu'on peut faire en 24 heures. C'est-à-dire que Corneille fait découler la règle de l'unité de lieu de la règle du temps. Alors que les théoriciens, ils font découler cela de l'œil. Ce qui est le maître à penser de la théorie, c'est l'œil du spectateur, qui ne doit pas être bousculé par le temps ou par le lieu ou par l'invraisemblance de quelque chose. Encore une fois, quand on en revient au Cid, si Corneille a été attaqué pour le Cid par les théoriciens, c'est parce qu'il est invraisemblable qu'une fille épouse le meurtrier de son père. Ça arrive, ça peut arriver, ça arrive tous les jours dans certaines civilisations si on fait la sorte. Mais ce n'est pas dans notre expérience. Dans notre expérience, une fille ne peut pas choisir d'épouser le meurtrier de son père. Or, Corneille a choisi précisément le seul sujet de tragicomédie, puisqu'une tragicomédie se termine toujours par un mariage, le seul sujet dans lequel le mariage était impossible, et pourtant il a lieu. Et ça, c'est un coup de force qu'on lui a reproché, parce qu'on a dit, c'est magnifique, c'est un effet de surprise, le public est transporté, mais on voit bien que ce coup de force, il est celui de l'auteur Corneille, qui a choisi un sujet invraisemblable pour surprendre et éblouir les spectateurs. Donc, il a ramené le spectateur à sa conscience de spectateur, alors que l'idéal de l'art, c'est de faire oublier au spectateur qu'il est spectateur, pour qu'il croie être un témoin qui est juste au bord de la scène, en train de regarder ce qui se passe comme un espion, en quelque sorte, et qui vibre avec les acteurs, etc. Molière, face à toutes ces théories. Alors, Molière, c'est plus compliqué parce que... Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué ? Tout simplement parce que l'institution scolaire a très vite fait de Molière, de Corneille et de Racine, à partir du XVIIIe siècle, des classiques. À partir du moment où, à la fin du XVIIe siècle, avec cette fameuse querelle des anciens et des modernes, les anciens, c'est-à-dire on doit imiter les anciens et les modernes ne sont que des dégénérés par rapport, j'exagère, hein, par rapport aux anciens. L'enjeu de la fin du XVIIe siècle, c'est le fameux siècle de Louis XIV. Est-ce que le siècle de Louis XIV est un des plus grands siècles de tous les temps, après le siècle de Périclès, le siècle d'Auguste, il y a le siècle de Louis XIV. Donc ça veut dire que les auteurs et les artistes du siècle de Louis XIV ont été les plus grands de tous les temps, y compris plus grands que les anciens. Et à partir du moment où donc les modernes qui promouvaient cette idée que les auteurs contemporains, les Racine, les Molière, les Corneille, les Lebrun en peinture, etc., ont été supérieurs à tous les autres artistes et notamment aux anciens, eh bien donc lorsque les modernes ont triomphé, qu'est-ce qui est devenu le modèle qu'on s'est mis à enseigner dans les classes ? Eh bien les modernes, les plus prestigieux, qui ont imité les classiques et donc ils sont devenus des modernes classiques. Et c'est comme ça que le classicisme est né au XVIIIe siècle, véritablement, et qu'on va forger la notion de classicisme, parce que Corneille, Molière, Racine, et quelques autres oubliés aujourd'hui, mais qui à l'époque vivaient encore d'une certaine manière, sur la scène ou dans les livres, sont devenus précisément des auteurs dignes d'être étudiés dans les classes, donc dignes d'être imités, et donc classiques. Comment une gloire devient classique, c'est l'épilogue que vous donnez, Georges Forestier, à votre biographie de Molière. C'est passionnant, Georges Forestier, vous êtes professeur émérite de littérature française à la Sorbonne Université, vous êtes historien du théâtre, il y a ce Molière, il y a votre biographie de Jean Racine, et bien sûr, ce filtre du temps qui passe, qui choisit les classiques, ceux qui doivent être étudiés en classe, fait que certains sont oubliés. Parmi les grands noms de ceux qui théorisent tout ce que l'on a évoqué depuis tout à l'heure, qui a-t-il ? Il y en a Boileau, je pense à Boileau, c'est quelqu'un qui était essentiel aujourd'hui, qui est un peu moins lu peut-être. Il n'était pas essentiel en fait. Boileau, il a écrit son fameux Art poétique en 1674, à un moment donné où la génération des théoriciens précédentes était en train ou venait de disparaître. Le plus important, il s'appelle Jean Chapelain. C'est lui qui a théorisé pour la France cette idée de la vraisemblance absolue, d'où découlent les règles et d'où découle le summum de l'art qui est de s'effacer en tant qu'art. Et il a été suivi par un type qui s'appelle l'abbé d'Aubignac, François Edelin, abbé d'Aubignac, qui a écrit un texte qui s'appelle « La pratique du théâtre », où il est allé jusque dans les moindres détails. Il justifie par exemple la liaison des scènes. Il ne faut pas qu'un personnage sorte de scène et qu'un autre arrive sans être motivé. Donc quelquefois, quand il n'y a pas beaucoup de motivation, il dit « Oh, je le vois qui s'en va » ou « Je sors de scène », c'est-à-dire « Quelqu'un arrive, je sors », etc. Donc il faut tout motiver pour que tout paraisse vraisemblable. Donc, Chapelain, Jean Chapelain, d'Aubignac, et puis cela disparaissent au début dans les années 70. Et c'est là que Boileau veut prendre le magistère, précisément, de la littérature. Et donc, il écrit son Art poétique, dans lequel il résume en quelques vers les grands éléments de la théorie littéraire du XVIIe siècle. Il n'a rien inventé, il ne fait que résumer et reprendre. Mais, encore une fois, Boileau étant devenu le parangon des classiques, en quelque sorte, pour le siècle suivant, c'est lui dont on a retenu, évidemment, quelques formules chocs que les collégiens et les lycéens, depuis le XVIIIe siècle, ont non cessé d'apprendre et de voir faire des dissertations, les malheureux, là-dessus. Et puis, ce qu'on a retenu de Boileau aussi, ce sont les embarras de Paris. Les embarras de Paris de Nicolas Boileau des Préaux. Qui frappe l'air, bon Dieu, de ces lugubres cris ? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris ? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, rassemble ici les chats de toutes les gouttières ? J'ai beau sauter du lit plein de troubles et d'effroi, je pense qu'avec tout l'enfer est chez moi. L'un miaule en grondant comme un tigre en furie, l'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Ce n'est pas tout encore. Les souris et les rats semblent pour m'éveiller s'entendre avec les chats. Plus important pour moi durant la nuit obscure que jamais en plein jour ne fut la baie de pure. Tout conspire à la fois à troubler mon repos et je me plains ici du moindre de mes maux. Les embarras de Paris de Boileau par Louis de Funès, un classique lui aussi. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant. On voit bien aussi ce que c'est que classique par rapport au début de notre conversation. Boileau, en fait, il a un modèle qui est Horace. Horace, l'auteur antique hein, du siècle d'Auguste, hein, en fin de la, un peu avant le début de la nouvelle ère, enfin bref, un peu avant l'an zéro, si je puis dire, et un peu après l'an zéro, comme Virgile. Et Horace, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit des épîtres, et des satires. Et qu'est-ce que fait Boileau ? Il écrit des épîtres et des satires imités d'Horace, avec certains sujets, comme les embarras, bien sûr, imités des auteurs d'épîtres et de satires romains qui avaient donc été servis de modèle à tous les écrivains français de la Renaissance et du XVIIe siècle. Et Boileau, c'est le nouvel Horace, en quelque sorte. Et en cela, il ne se pensait pas comme classique parce que la notion n'existait pas, mais il se pensait comme l'héritier de l'ancien Horace, et il était en cela un ancien moderne, quelqu'un qui faisait renaître le plus haut art poétique qui fut, c'est-à-dire, en l'occurrence, là, les épîtres et les satires. Voilà, entre moins 1 et plus 1, oui. Cet Horace-là, c'est pas l'Horace de Corneille de 1640. Pas du tout. Horace, c'est un nom d'auteur comme voilà. Virgile, c'était l'un des deux grands poètes du siècle d'Auguste. Voilà. Et tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur Molière, justement. Ben en quoi oui. Molière est-il classique ? Eh bien, il est devenu classique parce qu'il fait partie de cette génération de l'ère du siècle de Louis XIV. Mais en fait, quand on regarde comment il écrit, il n'y a rien de classique chez Molière. Alors certes, pour deux de ses pièces ou trois de ses pièces, Amphitryon, il s'inspire de Plaute. Pour l'Avare, il reprend en partie un sujet à Plaute qui est celui de la marmite. Mais en fait, quand il travaille là-dessus, c'est là-dessus que je vais venir, et puis il s'inspire de Terence pour les fourbus capins, les deux vieillards qui sont partis en voyage, leurs deux fils qui restent surveillés par les valets, qui l'un épouse une fille en cachette et l'autre veut racheter une esclave entre les mains d'un marchand d'esclaves dont il est tombé amoureux. Et donc, quand on regarde comment Molière travaille, il travaille exactement... Molière, c'est un... C'est un quelqu'un qui a fait des études, hein. C'est un, on dirait aujourd'hui, il a un parcours d'intellectuel qui abandonne ses études avant la fin, avant d'avoir obtenu ses licences de droit, pour faire du théâtre. Et quand il vient à l'écriture théâtrale, au bout d'une dizaine d'années de pratique de théâtre, eh bien, il se met à écrire du théâtre exactement comme les Italiens qu'on appelle les Italiens de la commedia dell'arte, c'est-à-dire les Italiens de la comédie professionnelle, avaient l'habitude d'écrire des pièces. C'est-à-dire qu'ils prenaient des modèles antiques ou des modèles imités de l'Antiquité, c'est-à-dire des comédies du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Ils les prenaient comme base et... Il est trituré, il est démonté, ils enlevaient des éléments, ils rajoutaient des éléments, et ils en faisaient quelque chose qui était à eux. C'est-à-dire, ils bricolaient véritablement pour en faire, les Italiens, des petites comédies improvisées, des scénarios sur lesquels après ils brodaient quand ils étaient en scène, et chacun, si c'était Pantalon, le vieillard, amoureux, libidineux, il avait un texte sur lequel il développait, etc. Et Molière, il procède de la même manière. Prenons l'exemple de sa première comédie originale qui s'appelle L'Étourdi. Il s'inspire d'un auteur italien qui raconte comment un jeune homme tombé amoureux d'une jeune fille veut s'introduire auprès d'elle et donc il a besoin de son valet rusé pour cela. Mais comme il se prend pour lui-même malin, toutes les ruses forgées par son valet, il va les éventer. Au moment même la ruse fonctionne, voilà le jeune homme qui arrive. C'est pour ça qu'il s'appelle, c'est un étourdi. Voilà le jeune homme qui arrive et qui fait... détruire la ruse de son valet parce qu'il intervient trop tôt et qu'il est tout content de dire quelque chose qui va contredire ce que le valet avait dit. Et ça, dans la pièce de Beltrame, l'inventeur de ce scénario de comédie dell'arte devenu une comédie publiée et qu'adapte Molière, chez Beltrame, ça arrive 6 fois, à 6 reprises. Mais qu'est-ce qu'on voit chez Molière ? Chez Molière, il en a supprimé 3. Il en a rajouté 6 autres de son invention, ce qui fait qu'il y a 9 reprises. On a le valet qui forge une ruse, le jeune homme qui intervient pour faire éventer la ruse sans le vouloir, le valet ensuite qui se fâche contre son maître qui a fait éventer la ruse, etc., etc. Son maître qui le supplie de lui pardonner, etc. Et l'autre, dans son dépit, dit « Bon, d'accord, je... » À 9 reprises, Molière fait ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a quelque chose, il le démonte, et il le remonte à sa manière, et ça, il va procéder de la même manière pour tout son théâtre. Donc Molière, c'est un, comme les Italiens de son temps, donc c'est un bricoleur de génie, mais un bricoleur qui fabrique du texte, et c'est pour ça qu'il s'en fiche des règles. Bon, une comédie, c'est très simple, hein. Ça doit se passer à un endroit, et ça doit se dérouler en 24 heures. Il ne réfléchit pas là-dessus, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de raconter une histoire à partir d'un schéma ou à partir de il se sert d'une pièce de théâtre ancienne qu'il va donc démonter et remonter. Il prend, par exemple, dans l'école des femmes, il prend deux nouvelles, italiennes, l'autre espagnole, qu'il va combiner ensemble pour faire cette pièce extraordinaire dans laquelle il se passe presque rien, sauf des récits du jeune homme qui raconte à celui qu'il faut pas, qui est furieux d'entendre ça, ses progrès auprès de la jeune fille que le vieillard veut épouser. Et ça n'est évidemment quelque chose qui est tout à fait nouveau. Molière fabrique quelque chose, il fabrique une histoire, mais il a été attaqué pour l'école des femmes, parce qu'on dit, mais il se passe rien, c'est que des récits. C'est tout le temps le jeune homme qui vient raconter à Arnolf les progrès de son amour, et Arnolf, évidemment, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il pleure, il se retourne vers le public pour faire des grimaces, ça a été écrit très exactement, hein. Au lieu qu'on attendrait dans une comédie normale que Arnolf dise, jeune Horace, mais écoutez, cette jeune fille, elle est promise au propriétaire de cette maison dans laquelle vous êtes introduit et tout, il faudrait quand même que Arnolf, qui est lui-même, pour parler de en faveur de lui-même, au lieu de dire tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne pour faire des grimaces. C'est-à-dire que le jeu de Molière, il a développé depuis quelque temps un jeu physique totalement nouveau, qui est que lorsqu'un personnage ne peut plus exprimer par des paroles son émotion, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Comme un mime, il se met à faire des grimaces au sens noble du terme, c'est-à-dire des mimiques qui expriment les émotions. Et ça fait partie du jeu de mots. Et ça explique le fait qu'il va concevoir ses pièces de théâtre aussi en fonction de son propre rôle. C'est-à-dire que ce qui est frappant quand on compare le travail de Molière sur les comédies par rapport à ceux qui l'ont précédé, c'est que qui est un personnage ridicule au centre de la pièce, c'était déjà le cas depuis quelques décennies, notamment avec Scarron qui imite les Espagnols sur ce plan-là. Mais Molière, il a l'idée de faire en sorte que le personnage ridicule qui est au centre de la pièce, c'est l'opposant même au désir des jeunes premiers. C'est pas un ridicule qui passe par là, c'est pas un capitaine fanfaron, c'est l'opposant même au désir des jeunes premiers, parce que soit il veut marier sa fille à un prétendant qui flatte sa folie, comme dans L'Avare, il veut marier un type qui va la prendre sans dot, dans Le Malade Imaginaire, il veut la marier à un médecin, etc., etc. Dans Tartuffe, il va vouloir la marier à Tartuffe lui-même, à quelqu'un qui flatte sa folie, c'est-à-dire son goût de la dévotion, son obsession de la dévotion, il veut la marier à un dévot, etc. Et donc, et c'est Molière lui-même qui joue ce personnage-là, qui est l'obstacle. Et donc, comme il est l'obstacle et que toute comédie se termine par un mariage, que donc les jeunes gens seront triomphants, eh bien, l'avancée de la pièce, ce sont des déconvenues que subit ce personnage. Et ces déconvenues vont être d'autant plus importantes que Molière les joue lui-même avec un jeu physique extraordinaire et un jeu visuel et un jeu, comment dirais-je, mimique extraordinaire. En plus, Molière avait des qualités d'imitateur qu'on connaît aujourd'hui depuis le XXe siècle avec de grands imitateurs qu'on a entendus depuis des décennies grâce à la télévision et à la radio. Mais il avait un talent d'imitateur. Donc, il était capable d'imiter des manières de parler qui correspondaient aux différents types qu'il incarnait, même si c'est souvent un bourgeois rétrograde, mais malgré tout, voilà. Et donc, Molière invente une comédie qui n'a rien de classique, puisque il transpose pas un modèle ancien. Le modèle ancien, lorsqu'il le prend, quand on regarde ce qu'il a fait dans L'Avare, de La Marmite de Plot, mais il a complètement déchiqueté cette pièce. Il retient quelques éléments fondamentaux, le fait que le vieillard avare se fasse voler son or par le valet, etc. Mais c'est tout. À partir de tout autour, il fabrique quelque chose de neuf pour en faire une pièce originale, inouïe, stupéfiante, et qui va devenir, pour la postérité, classique. Mais à l'origine, elle ne l'est pas. C'est ça, il y a beaucoup de neuf, beaucoup d'innovations dans le classique. Oui, les arts tirés au cordeau. Il fallait un peu de Lully pour évoquer le classique avec vous, Georges Forestier. Le classique, et là il faut être un petit peu solennel, c'est aussi une certaine vision issue du pouvoir. Parce que le classicisme tel qu'on l'évoque aujourd'hui, on a bien compris en vous écoutant que c'est une notion qui est postérieure, hein, c'est le 18e, 19e siècle. On peut malgré tout dire qu'avec la naissance de l'Académie française, avec la volonté du roi, la cour, quelque chose se met en place. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même imposé à certains auteurs s'ils veulent se faire bien voir ? C'est un tout petit peu plus compliqué. Je veux dire que si on parle de l'Académie française, il se trouve qu'effectivement, lorsque Richelieu fait créer par Louis XIII, hein, mais c'est Richelieu qui est à l'origine de l'Académie française en 1634, officiellement créée en 1935, c'est pour s'efforcer d'avoir à l'origine une fabrication d'instruments qui vont être mis au service des écrivains français pour que la France ravisse son magistère à l'Italie. Et cette série d'instruments, c'est dans les statuts à l'origine de l'Académie française, il y a fabriqué une grammaire, un dictionnaire bien sûr, une rhétorique et une poétique. Aucun des quatre, il n'y a que le dictionnaire qui vont mettre 60 ans à réussir à faire, mais bon, ça c'est autre chose. Mais donc, et lorsque arrive le Cid en 37, c'est-à-dire 2 ans après la création officielle de l'Académie française, qui est justement un scandale pour certains théoriciens parce que Corneille a choisi un sujet invraisemblable, etc. Eh bien, qu'est-ce que fait Richelieu ? Il se saisit de l'occasion pour faire juger par l'Académie française la pièce de Corneille. Évidemment, Corneille va être obligé d'accepter, parce que dans les statuts de l'Académie française, on ne peut juger que quelque chose de quelqu'un qui en est membre. Corneille n'était pas encore membre. Donc, on lui demande d'accepter le jugement. Donc, il accepte et se mouille difficilement. Jean Chapelain, qui est justement dont je parlais tout à l'heure, le grand maître à penser de la théorie littéraire, essaie de se récuser, mais il peut pas, donc ils vont pas arriver. Et c'est Chapelain qui va finir par faire ce fameux jugement de l'Académie française sur la tragicomédie du Cid. Et la condamnation va avoir pour conséquence que Corneille ne va jamais se soumettre. C'est-à-dire que tout le monde va dire « Ok, il faut accepter les règles, il faut s'efforcer de choisir des sujets vraisemblables, même les sujets doivent être vraisemblables. » Mais Corneille ne va jamais se soumettre. Il va écrire quelques années plus tard « Je ne craindrais pas d'affirmer que le sujet d'une belle tragédie doit n'être pas vraisemblable. » Pourquoi ? Parce que pour lui, les plus fortes émotions, seuls les sujets les plus singuliers, les plus originaux, les plus uniques peuvent provoquer des émotions. Si c'est vraisemblable, c'est ce que ça arrive tous les jours, c'est conforme à notre expérience, donc on n'aura pas véritablement... Donc vous voyez, les écrivains, ils sont pris entre deux feux, entre le souhait que transmis par l'Académie française, mais il faut savoir que Richelieu, il meurt en 1642, donc... Et son souci de régenter les lettres françaises, il le passe à l'Académie française, mais il n'y a pas les moyens de coercition pour quoi que ce soit. Donc chacun continue à faire ce qu'il veut avec cette volonté de surveiller par quelques théoriciens, de s'efforcer de faire un art vraisemblable. Mais alors, qu'est-ce que vient faire Louis XIV dans l'histoire ? Mais Louis XIV, il crée une sorte de... Il va à l'extrême de l'étiquette... Il en fait un art civilisationnel. Il veut que ses différents châteaux dans lesquels il va séjourner, d'abord le Louvre, puis de plus en plus Saint-Germain, puis le petit château de Versailles, qui va devenir le grand Versailles. Et il faut pas oublier que c'est seulement en 1682 qu'il s'installe à Versailles. Hein, c'est-à-dire, Molière est mort depuis 9 ans, Corneille n'écrit plus depuis 1674, Racine a cessé d'écrire pour le théâtre depuis 1677, quand Louis XIV s'installe à Versailles. Mais l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que doit être le lieu, le château ou le palais dans lequel est le roi ? Eh bien, ça doit être une sorte de grand salon, fait à l'imitation de tous ces salons mondains qu'il y a dans les grands hôtels particuliers parisiens, dans lesquels on discute d'art, on discute de relations entre les individus, on discute valeurs, on discute morale, mais surtout, on discute art et on élabore une sorte de civilisation qui, à l'origine, était la civilisation mondaine, mais qui va donner lieu à certaines notions qui vont être reprises par les classiques. Par exemple, le fameux le goût, le fait que le plaisir est primordial et non pas les règles, tout ça, ça apparaît où ? Dans les salons. Et on va le retrouver à la cour de Louis XIV. Molière fait dire à un de ses personnages, dans la critique de l'École des femmes, je voudrais bien savoir si la plus grande des règles n'est pas le plaisir. Donc, voilà. Donc, et tout ça d'où ça vient ? Tout ça d'où ça vient ? Ça vient de cette civilisation mondaine qu'on appelle l'éthique galante, l'esthétique galante, qui est très important parce que ça, c'est une notion endogène. C'est pas une notion inventée par le 18e ou le 19e siècle. La préciosité, c'est une notion inventée par le 19e siècle parce que tout le monde est tombé dans le piège de Molière qui, dans Les Précieuses Ridicules, s'est amusé, et c'est ça la révolution de Molière aussi, à mettre sur la scène pour la première fois les comportements de ses contemporains. Ça, c'est un truc inouï, quoi. C'est ce qui explique que Molière est devenu Molière, qu'il a stupéfait ses contemporains, et notamment la partie essentielle de son public, qui est précisément les mondains. Parce que ceux qui allaient voir Molière, c'est d'abord ceux qui avaient les moyens de se payer une pièce de théâtre. Donc, les aristocrates, la haute bourgeoisie, etc. Et puis, les riches marchands qui étaient, eux, debout au parterre et qui singeaient les aristocrates. Donc, ce que fait Molière avec Les Précieuses Ridicules, c'est qu'il s'amuse à singer les mondains pour en donner une sorte de caricature comique. Et il faut savoir que parmi les valeurs mondaines, il y avait l'enjouement, la dérision et l'autodérision. Donc voir des personnages burlesques habillés à l'extrême mode, puisque le marquis de Mascarille, joué par Molière, il a une perruque plus longue que les plus grandes des autres perruques. Il a plus de rubans à ses chaussures que les autres. Il a des canons. Vous savez, ces sortes de jupes à chaque cuisse, etc. Des canons plus larges que les plus larges des canons. Et il les caricature, il leur donne une exagération de langage qui est celui des mondains, puisque dans les salons, on s'est forcé de parler un français raffiné, élégant, avec des tics à la mode comme aujourd'hui, quand on attend... Dans chaque milieu, il y a des mots à la mode. Là, c'est des intensifs comme « je suis furieusement heureux d'avoir vu », etc. etc. Donc, et Molière joue là-dessus, il leur prête... Et il invente ce type de discours qu'ils ont effectivement dans les salons, mais il invente des mots, un langage qui est exagéré par rapport à ça. Et il va appeler ça les précieuses ridicules. Un contemporain va se jeter là-dessus, il va inventer qu'il y a une sorte de tribu de précieux et de préciosité. Ça n'existe pas. C'est une, comment dirais-je, exacerbation comique de la civilisation mondaine et de cette esthétique qu'on appelle galante. Et ça, le 19e siècle va en faire une sorte d'entité qui va appeler la préciosité. Parce qu'il faut donner des étiquettes, des cadres pour quand on étudie les choses à l'école. C'est ça, c'est le classicisme. On a besoin d'une étiquette. Voilà. Et ce classicisme est bien utile en architecture. Colbert ne voulut pas retenir les projets de Levaux, le Mercier, François Mansart. Il fit venir de Rome en 1665 le cavalier Bernin, auteur de l'illustre place Saint-Pierre. Le plan de celui-ci ne s'accordait pas avec l'architecture de Lescaut et on le renvoya en Italie comblé d'argent. Mais alors, qui fut finalement choisi par Colbert ? C'est un médecin qui faisait de l'architecture en amateur, Claude Perrault, frère de l'auteur des contes de fées Charles Perrault, qui se vit désigné. Notre assassin renonce à son art inhumain, de méchant médecin devient bon architecte. Ça, c'est Boileau qui dit ça dans une satire, évidemment, parce que Boileau était en conflit avec Perrault, l'auteur des contes, qui était aussi celui qui avait théorisé le siècle de Louis XIV. Et donc, qui était le fer de lance des modernes. Et Boileau, c'était le fer de lance des anciens. D'où le fait qu'il s'attaque au frère Perrault et qu'il l'accuse aussi. Paraît-il que Perrault, quand il était médecin, l'avait mal soigné d'un problème urinaire qu'il avait laissé un peu infirme de ce point de vue-là, ce pauvre Boileau. Bah, y a quoi être rancunier. Ce qu'on vient d'entendre, c'est René Héron de Villefaux, un historien conservateur de musée, c'est en 1958, qui évoque évidemment la colonnade de Perrault. Oui. Donc, le sculpteur, architecte, le Bernin, l'italien, celui qui a fait le Vatican, waouh, c'est magnifique. C'est pas lui qui est retenu. Non, parce qu'il y a une dimension baroque. Si on veut jouer avec les étiquettes, on va opposer, comme traditionnellement, le baroque et le classicisme. Il y a une dimension baroque chez le Bernin. Quand on voit ses sculptures et ses réalisations architecturales, tout est en mouvement. C'est plus belle chose, c'est Apollon et Daphné, enfin Apollon en train de saisir Daphné, et on voit dans la sculpture ses doigts qui s'enfoncent dans la chair de Daphné et Daphné qui se transforme en arbre. C'est une sculpture en mouvement. La fameuse transverbération de Sainte Thérèse aussi, qui est dans une église de Rome, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? On voit le mouvement, le drapé de la robe de Thérèse, on la voit transpercée par l'ange. Tout est en mouvement. Le fameux baldaquin de Saint-Pierre, ce sont des colonnes torsadées. Donc tout, et ça ne correspond pas à ce goût de la régularité en toute chose que le classicisme français est en train de développer, même s'il ne s'appelle pas classicisme. Et donc, du coup, le Berlin, il avait proposé d'agrandir donc cette partie du Louvre avec des dômes, des courbes, etc. Et ça, ça évidemment, ça n'a pas plu du tout. Et donc, on s'est tourné vers Perrault. Alors, pardon. La critique sur le fait que c'était un médecin qui s'était devenu architecte. Il faut savoir qu'à l'époque, la pratique, les sciences étaient proches les unes des autres. Je veux dire, on étudiait, quelqu'un pouvait étudier différentes sciences et c'était pas en amateur qu'il étudiait les autres. Donc, de même que quand on étudiait la physique, quand on était en dernière année dans les classes de philosophie, il y avait deux années de philosophie à l'époque, on étudiait la morale, la logique, la physique et la métaphysique. Donc, le fait que ce soit souvent les philosophes qui travaillent sur le plan des sciences et de la physique, etc. C'est naturel. De même, dans les arts libéraux, on pouvait les étudier en même temps. Et donc, voilà. Donc, c'est pas, Perrault n'était pas un imbécile qui a fait comme ça n'importe comment. Non, c'était cette colonnade, elle a été pensée. Elle a voulu terminer solennellement parce qu'à l'époque, la fameuse cour carrée du Louvre n'existait pas. Il fallait terminé par quelque chose. Et il faut savoir qu'à l'époque, avant que la tour Luna soit construite, dans les années 50 et au tout début des années 60, il y avait là, entre la colonnade actuelle et l'église Saint-Germain-d'Auxerrois, cette grande esplanade actuelle, eh bien, c'était un lacis de ruelles. C'était un souk, quasiment. Il y avait des maisons, quelques hôtels particuliers. Il y avait un théâtre, le premier théâtre où Molière a joué, qui était le Petit Bourbon, juste sur le quai. Et tout ça a été rasé du jour au lendemain en 1660 pour pouvoir précisément... Mais on savait pas encore, on a rasé, on savait pas encore où on allait aller. Et les différents projets, justement, étaient en concurrence. Et c'est celui le plus solennel, le plus grand et le plus majestueux, correspondant à l'idée que la propagande Louis XIVienne se faisait du règne de celui qui, depuis sa naissance, était appelé le plus grand roi du monde, et le nouvel Alexandre. C'est pour ça qu'il va faire des guerres. Il va falloir qu'il soit à la hauteur de ce qu'il était depuis qu'il est né, hein, j'insiste là-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette colonnade. Alors, du coup, colonnade à l'ancienne, puisqu'avec qui dit colonnade dit image des colonnes des temples romains, imiter eux-mêmes des temples grecs, etc. Donc, il y a une dimension classique comme aujourd'hui dans cette colonnade. Et c'était une volonté, effectivement, de créer quelque chose qui était plus grandiose et plus beau que les temples qu'on trouve à Rome, hérités de l'Antiquité, et où en Grèce, on les connaissait pas. Personne n'était allé voir le Parthénon à l'époque. Mais l'idée, c'était ça. Oui, c'était représentation de ce qu'était l'idéal antique. Georges Forestier, nous avons évoqué le théâtre, le classicisme, évidemment, la musique avec Lully, l'architecture avec Perrault. Nous n'avons pas encore évoqué la peinture. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Oui, il nous fallait bien quelques poussins pour parler de ce 17e siècle classique. Non mais voilà, on a cette déclinaison absolue et on pense à la peinture aussi, avec, dans le cas de Poussin ou de Raphaël, c'est antérieur, hein, Raphaël, eh bien, des modèles absolus, qu'ils le sont peut-être moins aujourd'hui. C'est intéressant de voir ces évolutions, mais un peintre comme Poussin a Raphaël comme modèle. Exactement, et Poussin... Il est pour l'Europe entière le peintre des peintres. Dans les années, il meurt au milieu des années 60. Il est déjà devenu le peintre des peintres, la référence absolue. Et ce qui est intéressant, pour faire le tour justement, c'est que l'un des meilleurs amis de Molière s'appelait Pierre Mignard, qui devient le... Il est appelé, il était à Rome, il était parti à Rome, il est resté 20 ans à Rome, il est rappelé par Louis XIV et Mazarin en 1657 pour venir à Paris. Et il va devenir le grand rival d'un autre héritier de Poussin qui s'appelle Charles Lebrun. Et les deux vont se tirer à la bourre pendant toute la fin du siècle. Mais il faut savoir que Pierre Mignard, pardon, parce qu'il avait un frère qui était peintre lui aussi, Pierre Mignard va être le grand peintre de la fin du XVIIe siècle et l'un des meilleurs amis de Molière. D'ailleurs, l'un des deux tableaux que l'on a, l'un des deux portraits que l'on a de Molière, l'un est fait par Nicolas Mignard, qui lui, en partant pour Rome, était resté à Avignon, où il avait un jeu de pommes dans lequel il accueillait des troupes de théâtre, et il a peint Molière en train de jouer un rôle de tragédie, et son frère, Pierre Mignard, qui a fait ce portrait de Molière en tant qu'auteur, non plus en tant qu'acteur, mais en tant qu'auteur, en robe d'intérieur, tenant un livre à la main, etc., qu'on trouve au château de Chantilly actuellement. Parce que sur la couverture de votre Molière, Georges Forestier, alors c'est pas Pierre, c'est celui de Nicolas alors, Mignard. Non, mais figurez-vous que ce qui est très amusant, c'est que vous savez, quand on fait un livre, au dernier moment, on a une réunion avec les maquettistes, avec le directeur de collection, etc., qui vous propose des images pour la couverture. Et en fait, l'image qui a séduit la petite assemblée qu'il y avait pour choisir la couverture n'a pas fait attention au fait que ce tableau-là, cette représentation-là, c'est un tableau du XVIIIe siècle qui fait la synthèse entre la posture du Molière, de Nicolas Mignard, de posture de côté, en train de jouer le rôle de César, et la posture de Molière, auteur de Pierre Mignard, en robe d'intérieur. On voit là qu'il a une robe d'intérieur, une chemise, etc. Et donc, c'est un faux. Ça ne représente pas vraiment Molière. Enfin, ça n'a pas été peint en présence de Molière. Mais c'est Molière, bien sûr. Mais fusion entre les deux auteurs. C'est une sorte de, par rapport à Molière, c'est un faux, mais un faux très très vraisemblable. Un faux très vraisemblable. Et pour le classicisme, on est dans cette démarche-là de processus. C'est un long mouvement. Et surtout, on le sent, tout est adaptation. C'est très bien d'apprendre la règle des trois unités, les grands classiques. Mais voir combien à l'intérieur de cette forme qui pourrait paraître rigide, il y a énormément d'innovations possibles. Oui. C'est ça que moi que j'entends en vous écoutant. Oui, oui, tout à fait. Et notamment, par exemple, des notions qui vont devenir essentielles au classicisme, comme le je ne sais quoi, le naturel. Eh bien, tout ça, c'est très intéressant parce que ça apparaît dans les salons. Cette civilisation des salons où on s'efforce de créer une sociabilité entre personnes qui se rencontrent, d'où l'importance de la mode. Très importante la mode justement, parce que être à la mode, c'est participer à la sociabilité, c'est de la civilité, c'est ne pas heurter le regard de ceux auxquels on parle. Et de même, l'enjouement, ce goût pour l'humour qu'on retrouve chez Molière, parce qu'à côté de chez Molière, il y a le burlesque, mais il y a aussi l'humour qui est constant. Tout ça, ça vient des salons et ça irrigue ce qui va devenir le classicisme. Si le classicisme a pour idée fondamentale le naturel, c'est parce que ça, c'est une notion essentielle dans les salons. Parce que, pourquoi le naturel ? Parce qu'il faut s'efforcer d'être le moins rigide possible, le plus élégant, enfin, avoir un naturel, comment dirais-je ? Avoir une élégance naturelle. Et ça, ces deux notions-là, on va les retrouver dans cette esthétique classique qui se cherche dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui va être ensuite théorisée par la postérité à partir du XVIIIe siècle. Et dans cette postérité, Georges Forestier, dans votre Molière, vous expliquez bien que Molière devient un classique, mais il y a plusieurs Molières en fait. Et c'est très intéressant de voir comment il y a des chemins entre un Molière très honorable et un Molière qui touche à la bouffonnerie. C'est ça, c'est bien. Quand le classicisme s'est imposé en tant que notion à partir du XVIIIe siècle, il a bien fallu caser Molière. Et on s'est dit, mais quand même, certaines farces des débuts ou certains passages farcesques, qu'est-ce qu'on va faire du médecin malgré lui ? Alors on va inventer des trucs, le médecin malgré lui, il a écrit vite, vite, vite, parce que le misanthrope marchait pas. Et donc, pas du tout, le misanthrope, ça a été un succès total quant à sa création. Et le médecin malgré lui, il l'a écrit parce que ce type de burlesque, comment dirais-je, avec des personnages, des paysans, etc., etc., qu'il avait inventé quelques années plus tôt déjà, et il était en train d'être repris par ses concurrents. Donc il a voulu remettre la main sur son burlesque à lui, il a écrit Le médecin malgré lui. Mais ça devient difficile à caser quand même, cette histoire de ce type-là qui bat sa femme tous les matins, et sa femme, pour se venger, quand elle rencontre des gens qui cherchent un médecin, elle lui dit « Ah mais il y a ce type là-bas, c'est un médecin, mais il veut pas le dire, il faut le battre pour qu'il accepte de dire qu'il est médecin. » Et après, Tout repose là-dessus. Alors, mais ça, c'est pas du grand Molière. Le grand Molière, et c'est là qu'il va y avoir un nouveau Molière qui va naître au XIXe siècle. Le grand Molière, c'est un penseur, c'est un philosophe. Regardez, il a écrit Don Juan, etc., dans lequel il y a tant de passages philosophiques. Il faut savoir que Don Juan, pour Molière, ça a été un bouche-trou qu'il a monté pendant 3 semaines, parce qu'il a profité du fait que les Italiens avec lesquels il partageait son théâtre, ils étaient rentrés en Italie exceptionnellement pendant quelques mois. Il a repris leur sujet à succès qui s'appelait le Festin de Pierre, qui était l'histoire du châtiment d'un type qui passait sa vie à tuer, à violer, etc., et à promettre le mariage, et à coucher, et à abandonner. Et pour lui, ça a été un sujet qu'il a pris, qu'il a démonté, qu'il a remonté avec des... Mais c'est du Molière, bien sûr. Mais au XIXe siècle, on s'est dit « Ah tiens, c'est un nouveau Molière qui apparaît. Ah, mais un Molière philosophe. » Et donc,